Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un autre humoriste belge, monsieur Florent Lausson. Ouais, salut. Salut Florent, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, je t'en prie. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais. Tu m'as demandé des galères, j'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que quand on débute, on n'a même pas une intro de base qu'on utilise à chaque scène pour pouvoir détendre l'atmosphère. Non, quand on débute, tout est inventé. Ce qu'on appelle un opener, quoi. Un opener. Et au début, quand on se lance, on essaye plein d'openers différents. Bien sûr. Je vais te raconter l'histoire de cet opener. Ah. C'est un opener qui est un peu trash. J'ai dit, ok, j'y vais au panache. Uh-huh. Et, parce que quand on débute, on y va au panache. On ne se rend pas compte de tous les dangers qui nous guettent, finalement. et du coup, c'était Kings of Comedy Club à Bruxelles, oui. À XL. Uh-huh. Et j'ai tenté un truc, je ne sais pas ce qui m'a pris. En plus, on dit toujours, il ne faut jamais changer son sketch à la dernière minute, c'est-à-dire 3 minutes avant, oh finalement je vais faire ça, il faut jamais faire ça. Il faut s'en tenir au plan, même si on a une idée à la fin. Parce qu'il peut arriver plein de trucs, parce que voilà. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Dans le tram en arrivant, j'ai complètement changé d'idée et je me suis dit, je vais faire un opener incroyable. Et j'y vais avec panache. Le truc ouvre, c'est peut-être ma troisième, quatrième scène, et je regarde un mec qui est au premier rang. Et je dis, est-ce que t'es chaud? Il fait, ouais. Et je dis, pourquoi t'es là? Et il me dit, pour rigoler. Et là, je fais, non. Toi, t'es là parce que t'as le VIH et ta famille voulait que je te mette au courant. Oh là là là. Ouais, là exactement. Là. Mais dans ma tête, 3 minutes auparavant, c'était marrant. Et à ce moment-là, quand je le dis, je vois les regards et je vois la salle et je me dis, waouh, mais ce que je viens de dire, c'est tellement pas marrant, c'est juste super hardcore. Et là, la salle, c'est ta première vanne. Tu peux pas te louper ta première vanne parce que les gens vont se dire, il est drôle et pas drôle dès la première vanne. Ben oui. Et là, il y a eu un oh. Et c'est tout, c'est le seul bruit qui est sorti de la salle, c'est « oh ». Même pas « oh ». Tu vois, quand tu as un gros « oh », tu veux dire ça a quand même marché. Mais après, la question que je me pose, c'est est-ce que ton passage à toi était trash derrière ? Non, c'était très absurde. Ça ne collait pas. Si tu avais commencé par ça, pour les préparer au trash, ça aurait pu passer. Non, c'est juste un truc que j'avais pensé dans le tram. T'as tenté, quoi. Et j'ai tenté, parce qu'au début, quand on commence aussi, on tente plein de styles différents, on sait pas encore ce qui... Ouais, on tâtonne. Hein. Mais oui, mais moi, j'étais mort de rire dans le tram quand j'y ai pensé. J'ai dit, je vais tenter le coup. Les gens, ils vont être morts de rire parce qu'il y a une rupture. Les gens vont pas s'y attendre. Oui, il y a eu une rupture, une rupture de l'ambiance. Voilà, là, c'était, mais t'inquiète pas, on a déjà tous tenté des trucs ouais, comme ça. Hein. Exactement. Oh là là. Et le mec à qui j'ai dit ça, je m'en souviendrai toujours, il me regarde dans les yeux et il a un petit sourire narquois en mode « ta vanne, elle a pas marché, mec ». Et tu sens ce moment où le public il passe de ami à ennemi. Ouais. Le public il est passé en mode ennemi très rapidement à ce moment-là. D'accord. Et du coup, c'est... Et puis je les comprends, hein, parce qu'aujourd'hui, je vois un mec qui fait ça sur scène. En plus, il le vend pas bien et tout ça, comme je l'avais fait. Évidemment qu'il y a de l'animosité qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il fait une blague là-dessus. T'imagines, il y a un mec malade dans la salle. Oui, il y a sûrement quelqu'un. Ouais. Ou on connaît quelqu'un qui est malade. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais si ça avait été bien amené, ça aurait été... Là, c'était... Ah, l'humour noir, c'est tellement... l'humour trash, l'humour noir, c'est tellement délicat. Il faut le faire. Il faut que ce soit fait parfaitement. Il faut le faire. Il faut que les gens arrivent tout de suite à comprendre que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis, en fait. Ouais, ouais. Sauf que là, je suis arrivé tremblotant, tout stressé. Je fais « Allez !» Ça n'a pas marché. Et du coup, après, tu as 12 minutes où c'est très difficile, tu peux être même très marrant pendant les 12 minutes, t'as ce qui n'était pas mon cas, parce que c'était ma troisième scène. En plus, c'était un tunnel. Ouais, quoi. Parce que si tu commences de bas, c'est difficile de remonter. Alors que si ta première vanne est très marrante, c'est plus facile après, tu vois. Ouais, forcément. Voilà, c'était mon anecdote. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, un jour, je le retenterai. Ouais. Je te jure, un jour, je le retenterai. Est-ce que tu le retenteras sur le même mec? Non. Non. Non, mais vraiment, un jour, je... Mais... Ce serait marrant que tu retombes sur lui et qu'il te dise, punaise, mais tu me suis ou... C'est chaud. Mais en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai pas de page, j'ai seulement Instagram. Bah, c'est déjà très bien. C'est Florent Lausson. Florent, il n'y a pas de point? Si, c'est Florent.Lausson. Florent.Lausson. D'accord, voilà, ok. Exact. Eh bien, avec grand plaisir, merci beaucoup. Je t'en prie, Sofiane. Merci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.